rap à gogo. L'émission 50% rap, 50% gogo se termine. Et pour finir en beauté, voici un bonus track en français, une chanson lessive, les Finistères amers, du bon son pour les Bretons. Hey les gragines bretons, j'entends le loup, le renard et la belette. Tu manges quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait le cacou? Non, mais c'est pas ça, mais il y a un menu précis, faut manger des. Slam contre ce fléau qu'est la malbouffe. Une calamité qui à chaque repas met mon anus dans un état de ouf. La prochaine fois, je mangerai des crêpes. Mais si t'as pas le froment flambé au sous-chêne, ouais, pas de problème mon grand, pas de quoi avoir la haine. Si t'es pas trop sucré, si t'es plutôt salé, si t'es pas très dessert, si t'es plutôt fruit de mer. Si tu t'es la chantilly, ça te fout la rage. Mange une crêpe en douillette, huître, jambon fromage. Je vais me dire que c'est pas sain, mais c'est tout aussi bien. Manger des putains de crêpes. Papier de verre. commence à bien faire, hein. Allez, on va se nettoyer les oreilles avec un petit peu de chanson française maintenant. Viens avec moi, il y a du vin rouge dans ma cabane. Tala, tala, la, la, la. J'aimerais bien boire de la grenadine du côté de la porte dauphine. Mais on s'en fout, on n'y va pas. À la maison, il reste des pâtes. Faites attention quand même, hein. Parce que pour l'instant, on est dans le hip-hop, mais on pourrait très bien passer vous voir. Hein? Allez, gros bisous!